Ça va? Bah, écoute, sois bon parce qu'on avait 12 000 trucs à dire sur le sujet encore. Bah, écoute, ouais. Non, j'ai pas spécialement envie d'être bon. Ah bah dégage alors. Bah non, j'ai envie d'être au niveau d'Eric pendant son procès. Le petit, il avait pas l'idée de phrase, il va pas m'emmerder, non? Non, mais en réalité, j'avais pas compris mon rôle. Bah, je te promets, j'ai eu un doute pas, sur. Balance pas! Non! Pas jouer, Eric, mais c'est pas quand que on a pas de sous. Quand on n'a pas le sous. Non, mais moi je citais le Qatar, moi je citais pas. Ah, pardon. J'ai envie d'abord de dire bonjour à musique à tout le monde, et j'ai envie de dire d'abord bonjour à Eric. Il a 50 ans, il est grand, il est mince, brun et grisonnant. Voilà, c'était un homme. C'est quoi ça? C'est l'hommage de Michel Sardou à Eric Dimeco. Oh oui. Non mais attends, ça c'est la version sympa, parce qu'il a une autre version sinon Michel. J'ai grandi à Marseille, tout au fond du panier. J'ai suivi à merveille les voyous du quartier. Mes idées politiques sont assez progressistes. Je sais semer un flic et voler les touristes. Voilà, donc c'est... Tu aurais écouté tout Sardou, c'est tout. Mais écoutez ça par cœur. Ça va être pendant toutes les 3 heures. Non, mais... C'est ça. Tu sais où il révise une soirée Sardou? Mais oui. Gilbert, tu sais où il révise Sardou? Je balance, tant pis, je m'en fous, hein, à l'aventure. Hein. Ah ouais, bien sûr. Mais oui, une soirée Sardou, à quel moment une tu places? Une sardounade, Gilles. Ils ont le pétrole. Attends, mais ils n'ont que ça. Non, parce que le problème, c'est qu'ils ont, ils ont que le gaz, ils n'ont pas le pétrole. En revanche, ils doivent en avoir quand même un petit peu. Ils en ont. J'ai une chanson aussi pour Jeff de la part de Michel. J'ai pensé à toi. Et si la mer noire venait baigner les côtes de France? Mais d'où ça sort ça? Serait en Provence. C'est énorme! Il a été lui demandé d'écrire les chansons ce week-end! Je suis sûr que c'est les morceaux écrits ce week-end, c'est pas possible ça! J'ai une aide pour Daniel, plus spéciale, mais elle marche. Oh là là là là, qu'il a dit le sauveur! Pour pas toucher à moi, très heureux comme ça! Pas changé à mon âge, moi, plus besoin de rien! Merci, oh merci! Voilà! Le sauvage. Et sinon, et une dernière chanson. C'est quoi le titre de celle-là? Le sauvage. C'est la plus connue de toutes. Zombie Dupont, le sauvage. D'accord. Et sinon, j'aurais un hommage en chanson aussi à celui qui quand même m'a fait débuter, à Gilbert Bribois. Pour toi, Gilbert. Il était là dans ce fauteuil, premier témoin de mes faux pas, le cœur tremblant comme une feuille. Voyant que je ne savais pas. Voilà. Voilà, donc. C'est vrai donc... que j'avais failli durer le premier jour. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah, ben pour moi, le premier jour, il teste toujours un truc, Julien. Ouais. Ça, on l'a vu. L'histoire, c'est quand il était venu, t'étais venu avec Toen, c'est ça que vous avez. Non, c'était aux Players, non? Non, c'était même avant. Non, c'était avant. Vous aviez refait Ségolène Royal, façon virage de stade. On avait tout fait à l'époque. C'est vrai que ça avait failli faire long feu. Ben ouais, mais voilà. Non, finalement, ouais. Ça a tenu. Donc, en gros, t'as rien préparé à part de Michel Sardou. Si, voilà. Non, attends. J'ai quand même vu le match de Canal Plus à 21h, comme tous les soirs. Comme est-ce tous les... qu'on s'emmerde? Voilà. Qu'est-ce que ça merde le dimanche? Comme d'habitude, voilà, j'ai regardé donc le match de Canal Lorient-Toulouse et c'était encore un match pourri. Donc un hommage de Michel. Michel, faut savoir que Michel a écrit sur tout ce qui se passe en Ligue 1, sur tout. Allez, Balkans en Provence. Et il a écrit pour toi. Et j'ai le temps quand même. J'ai juste parlé quand même rapidement de Istres-Guingamp. Ah. Qui est un derby. Alors, est-ce que vous connaissez le derby Istres-Guingamp? Vous savez, vous connaissez le nom de ce derby Istres-Guingamp? Alors, il porte le même nom que le derby. On s'en foutico? Non, c'est le Istres-Guingamp. Non. S'il a le même nom que le Camp PSG, que le OM Laval, que le Havre Monaco, que le Ajaccio Strasbourg, que le Montpellier Nantes, que le Pau FC Sion, ou que le Ajaccio Montpellier, ou que le Nantes Monaco. Le Gravelinico. Ouais! Mais oui, évidemment! Oh, oui. Je voudrais d'abord, comme tout à l'heure, dire bonjour en musique, puisque j'ai dit bonjour en musique à tout le monde, grâce à mon ami Michel Sardou, qui sponsorise cette émission. Et je voudrais dire bonjour d'abord, à Didier. Il giovane operaio di tutte le città, la sera di una festa a ballare se ne va. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire bonjour à Fifi Auclair. My dear parents, goodbye. Voilà. C'est une star internationale. Voilà. Il a chanté en anglais aussi, mais c'est bien sûr. C'est, ça existe, ça. Bien sûr. Et surtout, je vois aussi dire bonjour à Fred. Yo te amaré con infinita desesperación. C'est le pire des trois, c'est celui-là. Alors, il y en avait une en allemand, mais j'ai pas voulu l'imposer aux auditeurs. Mais je vais quand même. Je vais quand même. J'en ai une mieux pour toi, Polo. J'ai ça. À la volonté du peuple et à la santé du progrès. Et à demain, ami fidèle. Voilà, donc c'était c'était mon petit bonjour à la Michel. Voilà, il y en avait d'autres, hein, mais j'ai bien aimé. Yo t'es amarré, elle est énorme. Hein. Je vous le conseille. Je vous invite pour rester. Fier d'être mais... français, monsieur. Voilà. Mais ça viendra, ça, à la fin. Vous avez parlé de l'archipel des Canaries. Moi, je connais pas. Hein, tout ça, c'est moi, je voyage pas. Moi, je connaissais Doug Lao, qui était l'archi nul des Canaries à l'époque, mais c'est pas exactement le même. Jeff, à un moment donné, il m'a fait marrer parce que il a voulu faire peur à Daniel. Il a voulu lui faire peur en disant ça. Imagine Ribéry, Benzema, tout ça, qui disparaissent à Cuba. Voilà, il a dit imagine Ribéry et Benzema qui disparaissent à Cuba. Oh là là, t'es dégoûté, Daniel. Hein. Attends, mais il a dit ça quand j'ai il pas entendu. Il a dit mais parce que tu n'écoutes pas, Daniel. Mais je te jure, j'ai pas entendu. Mais il a dit parce qu'à un moment donné, il y avait la moitié de l'équipe d'Érythrée qui avait disparu. Et lui, pour te faire peur, il a dit imagine Benzema qui disparaît. Et imagine Ribéry qui disparaît. Oh bah non, alors. On voit qu'il te connaît bien, ce Jeff. Ah, mais je l'ai pas entendu, c'est vrai. Mais oui, t'as pas voulu l'entendre. J'ai vu qu'on a eu monsieur Paquet, là, qui est quand même. Qui fait pas un one man show, hein. On va dire que c'est pas le roi de l'humour, la blagounette, hein, monsieur Paquet de Lille, mais bon, c'est pas grave, il balance des infos et il a dit que 99% des clubs sont à vendre en France. Mm-hmm. Et je me dis, attends, donc la plupart des clubs français valent à peu près moins de 50 millions d'euros, on est d'accord, Gilbert. Donc je me dis, plutôt que de s'emmerder à acheter 19 joueurs à 50 millions d'euros, si les Qataris achetaient les 19 clubs, ils se feraient moins chier et au moins t'es sûr du résultat. Non, mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'ils achètent un joueur, ils coûtent le prix à peu près de Lorient, de Brest. C'est quand même dommage. Et puis j'aurais parlé d'Ancelotti. Ancelotti, c'est un beau conte de Noël. Ancelotti, c'est quoi? C'était un gros bonhomme aux cheveux blancs qui arrive pendant les fêtes l'an dernier avec des cadeaux plein sa hotte, hein, des Motta, des Silva, des Ibra. Alors nous, on a les yeux qui brillent, on y croit. Seulement le temps passe et plus ça va et moins on y croit. Puis arrive le moment où on grandit, puis on n'y croit plus. Puis on reconnaît Tonton Charles derrière la fausse barbe. Puis après Noël, bah, Tonton Charles, lui, il s'en va, il va repartir au bout d'un an avec un beau chèque au pied du sapin. C'était peut-être ça la tactique du sapin de Noël, ce qu'on n'avait pas bien compris, nous. Seulement, je voulais juste lui dire que quand on rentre par la cheminée et qu'on repart avec plus de cadeaux que quand on est arrivé, ça s'appelle pas Noël, ça s'appelle un cambriolage. Donc voilà, je le dis. En même temps, on aurait dû se méfier, c'est un Italien. Et comme disait Antonetti, rappelez-vous. Entre les personnages qu'on voit à la télévision, qui sont tous bien propres sur eux, et les personnages que j'ai vus dans les couloirs ce jour-là, j'ai vu les vrais Italiens. Quoi. Voilà. Ah voilà. Donc moi, je peux dire que Carlo, il est peut-être pas Père Noël, mais il est bien passé par la cheminée parce que les Qataris ont du mal à s'asseoir. Oui, bonsoir. Excuse-moi, Michel, il est quelle heure, s'il te plaît? Vers les minuit moins 10. Bon, alors il faut que je fasse vite. Il a fait chanson sur tout, ça. C'est fou. C'est fou. Vous avez parlé du jeu des chaises musicales. Alors c'est plutôt le jeu des bancs musicaux, parce que les chaises musicales, à la fin, il y en a un qui a pas de chaise, alors que les bancs musicaux, à la fin, celui qui a perdu, c'est celui qui a l'USM Alger. Et Et donc le pauvre, non, c'est pas sympa, pauvre Roland. Attends, je peux te dire, il doit se faire chier là-bas. La dernière fois, il a même proposé au président de Lorient de venir en direct à la radio. T'étais là ou quoi? Il était là et le président de Lorient, il dit, tu voulais vous passer par Alger, vous venez me voir. Il doit se faire chier, le mec, parce que quand même, le président de Lorient. Bref. Donc, je voulais demander, comme ils se suivent là, si Guardiola va à Paris, est-ce que Mourinho va au Paris FC? Parce que, comme tu vois, on voulait, pour le derby, ça peut être pas mal. Et puis, bon, et puis Leonardo, quand même, qui va remonter en Ligue 2. Oui, bah t'as raison, ouais, comme le Red Star, on y croit là. Et Leonardo sur la sellette, moi ça me fait toujours de la peine d'y repenser parce que il restera quand même l'homme qui a interdit les pizzas au camp des loges. C'est quand même un mec qui a un nom de tortue ninja et qui aime pas les pizzas. Déjà au départ, j'aurais dû me méfier. Et mais faut reconnaître un truc, c'est que s'il s'en va à son palmarès, il aura ramené une belle coupe, hein. La couperet au milieu, Jean-Claude Biguin, 92. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est la seule coupe qu'il aura ramené à Paris. C'est malheureusement dommage. Sinon, j'avais une solution pour le PSG, peut-être d'appeler Montebourg pour faire nationaliser le club. Sachant qu'ils comptent tous sur l'arrivée de Lucas Moura, tu sais, en janvier, il y a Lucas Moura qui va arriver. Le problème, c'est que je pense qu'à ce rythme-là, le PSG mourra avant l'arrivée de Lucas. Et ça, c'est, ouais. Ouais, malheureusement. Et puis, l'affaire La Brune Tapi, on en a beaucoup parlé. Ça a été un tout, t'as dit un peu tout et n'importe quoi, et le pauvre Stéphane Tapi, il en a pris plein la tronche. Il y a plein de mecs qui l'ont dézingué. Ils oublient quand même que Stéphane Tapi, c'est pas n'importe qui quand même, c'est quand même le fils de Nanar et qui mérite le respect. Et je demanderai à ce que tous les gens qui l'ont insulté s'excusent auprès de Stéphane Tapi, qu'ils lui demandent pardon, notamment par texto s'ils ont envie. Et je propose qu'ils envoient un texto à Stéphane Tapi. Alors Stéphane Tapi, 06 38 89 07 couple. Donc envoyez-lui vos SMS d'excuses parce que quand même il mérite ça, hein, le pauvre. Mais n'importe quoi! Parce qu'il abuse Vincent Labrune. Quand même, attends, Labrune. Gilbert, pourquoi il pourrait pas lui le donner? Vincent Labrune. J'ai raté les deux derniers, tu peux leur donner. Je rappelle que Vincent Labrune était un ami personnel de Delarue et de Robert Louis Dreyfus, autant dire que c'est un mec qui porte chance. C'est une vraie patte de lapin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais bon, Mourinho. Mourinho qui a été sifflé. Hein, qui a été sifflé par 3000 pecnos. Tu m'étonnes, le mec il est malin. Et il vient quand il n'y a personne. Et à ce moment-là, moi je te propose qu'Ancelotti il donne rendez-vous à tout le monde. Pour ceux qui veulent le siffler, il sera là sur la pelouse pour le match avec les champions vers les midi. Hein, donc s'ils veulent. Voilà. Mourinho, s'il vient à Paris, je veux qu'il sache qu'il se fera siffler par une seule personne éventuellement. C'est par le chèque Altani. Il dira hey, viens ici, toi. Hey, viens ici. Mourinho, viens ici là. Tu gagnes les matchs. Hein. Tu gagnes la Ligue des Champions. Voilà, voilà, et tu dégages. C'est le seul mec qui va le siffler. Hein. Alors sinon dans le prochain, vous avez vu qui c'est le procès. Je savais pas que Cher Macha il parlait comme un marchand de tapis. Bah évidemment. Je sais pas moi. Mais c'est comme personne ça l'a jamais entendu. Comme ça. C'est bah ouais, moi je l'ai entendu. Il dit bien, t'es bien, t'es gagné la Ligue des Champions. Voilà, t'as pas ton nonos. Voilà. c'est le procès de l'association de l'Arche Zoé en ce moment. Oula. Et non mais tu sais c'est les mecs qui enlevaient des petits jeunes là pour le et Arsène oui. W serait entendu bientôt. Oh voilà, et je voulais dire que il voulait monter son Neverland. Voilà. Oh non, donc on n'a pas dit qui, mais il va être entendu par la police. Je vais juste terminer en musique pour dire que ouais, effectivement, la Ligue 1 c'est de la merde, les entraîneurs c'est de la merde. Tu mets les meilleurs joueurs italiens, les meilleurs entraîneurs, ça gagne pas. Mais moi, j'aime la merde, j'aime les matchs pourris parce que voilà, moi j'aime la France. Voilà. C'est pourquoi j'habite en France et la France. Bonsoir, merci.